se joue en saut, parcourant bois et ruisseaux. Rencontra un soir d'été, belle demoiselle en son château. L'heure de cœur enflammé, les laisser sans repos. Et dès la nuit tombée, fuyait le château en secret. Fils de vilain, fille de châtelaine, par la barbe de Merlin, ne se marieront point. Oyez, oyez, leur douce histoire, leur de cœur comme des miroirs. Pour guerroyer les plus preux des chevaliers que notre beau pays comptait. Fils de seigneur, boire et coquin, acheta pour une livre d'orphin le sang du fier fils de serf, le breuvage en fut amer. De Manon et fille de sang, voix de reliquaire, ne feront pas affaire. Oyez, oyez, leur triste histoire, leur de cœur comme des miroirs. Des larmes de sang quand elle oui son doudam oiseau partira la guerre verser son sang. Son vil châtelain de père pour laver grand déshonneur voulut marier son enfant fier au puissant fils du seigneur. De vilaine, fille de châtelain, par mon bas de laine, ne se marieront point. Oyez, oyez, leur triste histoire, et leur de cœur, comme des miroirs. Promise languissante, à l'autel, séance tenante. Mon Dieu uni pour toujours, à son cœur et un cœur pris. La mariée mourait d'amour pour un autre que son mari. Fils de Guignol, fils de Châtelaine, par ta barbe de Merlin, de ce mari en point. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, leur triste histoire, douleur de cœur, comme des miroirs. Soldat fait chevalier, tôt matin de guerre vint. Là il trouva sa douce aimée, trépassée de tant de chagrin. Et dans la belle chambre nuptiale, le jeune époux sans âme abandonna à cet amour royal le corps sans vie, feu sa dame. De Manon, les filles de sang, voix de reliquaire, ne feront pas affaire. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, leur triste histoire, de l'or de cœur, comme des miroirs. Mortellement, souffrant plus qu'à la bataille, baisa sa bouche si tendrement que son dernier souffle s'en aille. Le pays en fut si ému qu'ensemble on les porta en terre. Sur l'heure de tombe, couverte de lierre, revinrent les amants disparus. Braves gens raconteraient leur belle histoire et n'en perdraient pas la mémoire. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, leur triste histoire, pleurs de cœur comme des miroirs.